Bonjour à tous, lundi 13 septembre, plus que du métal, ça y est, c'est la nouvelle saison, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Bon, ça a démarré fort, hein, la grosse sortie du début d'année, Iron Maiden, donc avec son nouvel album, double nouvel album, là on a écouté The Writing on the Wall, et pendant ces vacances, on a eu l'agréable surprise donc d'avoir un nouveau morceau des Guns N' Roses, nouveau morceau donc qui s'appelle Absurde. Plein de nouveautés aujourd'hui, plein de nouveautés, plein de surprises. On va reprendre comme si on s'était jamais arrêté. Allez, il y a eu une belle surprise encore pendant ces vacances, une reprise de Highway to Hell par Tom Morello, Bruce Springsteen et Eddie Vedder. Allez, on va se l'écouter. C'est parti. On jette pas cette petite reprise du trio là. Ah si, quand même, hein. Voilà, c'était la petite surprise donc de l'été, reprise de Highway to Hell, donc des célèbres ACDC, hein, bien sûr, je les nomme pas, par Tom Morello, Bruce Springsteen et Eddie Vedder. L'album du mois, là c'était compliqué, là, parce qu'il y avait, on verra ça les sorties tout à l'heure, mais il y a énormément de sorties. Allez, on se la joue un peu français avec le groupe Head Changer qui ressort donc un nouvel album et Rise from the Ash. Septième donc album des Français de Head Charger, avec une section rythmique qui donne donc cette puissance au groupe. Et c'est ce son groove qui nous font donc headbanger. On reste toujours dans un mélange Foo Fighters, Soundgarden, mais on y trouve aussi encore une plus belle énergie, des rythmes endiablés qui vous donnent donc une belle variété. Un album qui est sorti vendredi dernier. À écouter. Et puis on va écouter tout de suite un morceau Magical Ride, du nouvel album de Head Charger, Rise from the Ash. On écoute ça. Et voilà, donc Head Charger Magical Ride, ouais, bon, ça a des potes, hein, c'est pas mal. Les sorties CD, alors avant, non, j'avais toujours les concerts à venir. Bon, c'est encore un peu jeune pour le mois de septembre, mais ça y est, ça redémarre. Je pense qu'au mois d'octobre, la rubrique va revenir. Sorties CD, par contre, les sorties CD, donc on parle de Head Charger vendredi dernier. N'oublions pas aussi qu'il y a l'album culte de Metallica qui est ressorti en réédition. On en parlera un petit peu, notamment des 53 artistes qui ont repris une chanson du Black Album. Sinon, dans les sorties CD, nous avons vendredi prochain Alien Whip Porny qui sort avec Tanga Roa. Billy Idol revient avec un petit EP, The Roadside. Carcass revient aussi avec un nouvel album qu'on va y revenir aussi. Rage avec Resurrection Day et Spirit Box Eternal Blue. Le 24 septembre, A Pale Horse Named Death sort un album Infernum in Terra. Rivers of Neil avec The Work, Sleep Token avec This Place Will Become Your Tomb, et Tremonti, le guitariste d'Alter Bridge, qui lui aussi, comme Miles Kennedy, a une petite carrière solo, sort un album qui se nomme Marching in Time. Le 1er octobre, le grand retour de Ministry avec Moral Hygiene. Voilà, donc c'est pour les principales sorties qui vont se passer au mois de septembre, et comme je vous avais dit, n'attendons plus, avec Dance of Xtab, le nouveau Carcass, qui est très très bon. On y va. Carcass, donc Carcass qui nous revient. Dans les nouveautés, ça, ça annonce du bon quand même, hein, là, franchement. Allez, on continue les nouveautés. Hein. Ouais, il va y avoir beaucoup de nouveautés, comme vous avez bien compris. Je vais pas le répéter une nouvelle fois. Tremonti, donc Tremonti, guitariste des Halters, nous fait l'honneur de sortir un nouvel album. Son prédécesseur était vraiment très très bon. Et là, on va écouter If Not For You, Tremonti. Tremonti, If Not For You, donc nouvel album, je le répète, à venir le 24 septembre. Alors vous savez, dans Plus Vite Que De La Musique, on est une rubrique, c'est du métal, mais c'est pas du métal. Aujourd'hui, on va écouter du classique, mais avec une collaboration de Serge Tankian, donc le chanteur des System of a Down, c'est la jeune Tina Guo, avec le titre Moon Hearts in Space, qu'on va retrouver. Voilà, on y va. And they still listen to Melanis on the eye. He discovers his somebody. Whispering names in the pillowcase. It's almost like he had somebody. Et voilà, on est enchaîné aussi sur un des deux nouveaux morceaux d'Avatar qui sont aussi sortis incessamment sous peu. Voilà, c'était un bel petit enchaînement. Alors, l'album culte, donc on a parlé du Black Album, donc qui est la réédition du Black Album, on en avait déjà parlé. Par contre, il y a une petite nouveauté, il y a le Metallica Blacklist. Qu'est-ce que le Metallica Blacklist ? 53 artistes, en fait, ont accepté de participer à ce projet. Ça veut dire que 53 artistes ont enregistré une chanson sur les 12 chansons du Black Album. Parmi lesquels on retrouve Miley Cyrus, Elton John, Rodrigo y Gabriela, ils reprennent très très très régulièrement dans leur concert, notamment Enter Sandman. Dans les 53 artistes, il y a quand même deux qui ressortent, c'est Ghost qui se transforme Enter Sandman en un triomphe euphorique des années 70 avec des riffs hyper hargneux. Et The Who, donc, qui, eux, ont repris Through the Never, qui est joué avec une férocité assez sauvage dans leur langue maternelle, assez exceptionnel. C'est ce qu'on va écouter, d'ailleurs. Voilà, c'est vraiment les deux gros morceaux. Beaucoup d'autres morceaux sont bien sûr réussis. Bien sûr, il y a aussi des ratés, hein. 53 chansons ne peuvent pas être exceptionnelles. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une belle réussite. C'est un beau cadeau, un beau coffret, cette réédition du Black Album. Que dire d'autre ? On va surtout écouter donc The Who avec Through the Never. Thank you. Voilà, The Use, Flux the Never, donc belle reprise quand même. Hein. Voilà, je vous invite donc à découvrir ce Metallica Blacklist. À travers donc 53 artistes qui reprennent les 12 chansons du Black Album. On continue dans les nouveautés, on enchaîne les deux. Hein. Sixam revient au mois d'octobre avec un best-of. Ils en ont profité quand même pour nous filer une petite nouveauté, donc ça sera Skin, et on enchaînera avec le dernier Ministry, donc album à venir au 1er octobre, qui vont avec Search and Destroy. Voilà, deux nouveautés d'affilée, c'est parti! They don't even know you. All they see is Voilà, Ministry, Search and Destroy, et juste avant, Six Sam avec Skin. Ça se termine tout doucement. Hein. Il faut prendre note que la prochaine fois que l'on se voit, c'est le lundi 11 octobre, avec peut-être des invités. On va essayer de retrouver un peu tout ça, puisque les conditions sanitaires, manifestement, s'arrangent de mieux en mieux. On va pas partir comme ça non plus. Je vous avais dit que Avatar avait sorti deux morceaux. On va écouter le deuxième morceau, effectivement. Avatar, c'est Baren Close Mother. Et puis on se retrouve donc le 13 octobre. Allez, à ciao ciao. The clock!